you. Ouais, dans vos incontournables, pour prouver que vous avez bon goût, il faut que vous ayez du YouTube, mais seulement issu des années 80, parce qu'après, le Bono s'est pris pour un ricain, oubliant toutes ses racines irlandaises. Ouais, le succès en bourgeoise est grillé des neurones. Dommage, heureusement, il reste alors les Waterboys. Alors j'entends déjà les râleurs disant que comme tous les anciens, je ne jure que par les années 80. Eh bien peut-être, mais pas que. We'll be right back. Soyons clairs, dans votre bibliothèque musicale, qu'elle soit numérique ou analogique, il faut du U2, du Watcher Boys, du Alex Mas, mais aussi il faut absolument du Bob Smith et ses remèdes miraculeux. Alors oui, comme pour YouTube, pour les meilleures cures, il faut plonger au 20e siècle, mais le 21e restera marqué par la longévité inattendue live du Bob Smith, et ça, personne ne l'avait prévu. We'll be right back. Pour le moment, à part Alex Mas, notre programmation a fait dans le reconnu. Pourtant, si vous voulez une bibliothèque idéale, il faudra moins populaire et plus de rock. Et ça, c'est dans Pop and Rock sur la très locale RVR. R.E.M. n'a pas fait que le génial Losing My Religion. Allez donc piocher dans Orange Crush, l'album culte de Michael Stipe et de ce Rapid Eye Movement. Bumper cars and Wolverines.

something was shimmering and white. Leads you here, despite your destination. Under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find. Wish I knew. Encore une fois, mon monde idéal trouve racine dans les années 80, mais revenons au 21e siècle avec un fils du 20e siècle. Baxter Dury est entré au 21e siècle dans ma bibliothèque idéale. Yeah. frustrant de ne consacrer qu'une heure à votre culture musicale, pas le temps de vous envoyer Bauhaus, Simple Minds, Alter G et autres Alice in Chains. Mais restons au 21e siècle et buvez un peu du nectar des Australiens de Emil et ses Sniffers. Sur la même scène montagne de Musilac, Emil avait précédé les Fontaines d'ici, incontournable aussi dans les playlists idéales. Face, mate. Very class, isn't it? Apologies down, paying £300 to take a class in it. I wanna bite the phone, I wanna bleed the town. I wanna see you alone, alone, alone, alone. I wanna straight the shack, I find me someone to pack. Like the light when it's dark, it's dark, it's dark, it's dark. A few stairs about, make it feel like peace in a way. Compliment around, consolation got a twist in it. For a GPO and all the hits in it. I'm gone, it's your business if it's momentary. If it's momentary, I wanna chop it a gag. If it's a bottle of black, I wanna strike the sack. I need the brand from it. I wanna shot in the dag. I wanna make me mac. I wanna lift the yak. I call the ends on it. I wanna take the truth without a lens on it. My God-given insanity, it depends on it. How I feel, how I feel, how I feel, I wanna hear. I'm a hatter there, turned up challenger. I wanna keep on against sham in a canister. Do you inspire like the same bit Salinger? I'm the pig on the Chinese calendar. I've got a shallow like a 5-8 caliber. I wanna move like a new salamander. I live a carry on, cause a real scavenger. That's my old tyranny, keeping me from me. Hit me for the day, for the lie that you suffer to come by. Take to my sky, never wanting, only one day. To live out of reach, sloping family, short to tall. 1, 2, 3, swallow the key. In their footprints, I will follow. Your business if it's wrong with heavy business. I'm gonna hit your business if it's wrong with heavy business. I'm gonna hit your business if it's wrong with heavy business. I'm gonna hit your business if it's wrong with heavy business. Souvent, je n'aime pas les petits genoux du rock qui souvent se la jouent star fini avant même d'avoir prouvé ce qu'ils étaient. Pourtant, ils sont nombreux à me prouver que j'ai tort. Deux exemples, enfin deux contre-exemples. Commençons par les solaires Children of the Sun. Going home down the ocean, watch the waves play their game. May tomorrow come. May tomorrow come. Going home down the ocean, watch the waves play their game. Oh, Mais en France aussi, nous avons nos fumeurs d'herbe. Voici donc Idessa. Récemment découvert, il y a aussi les jeunes qui savent jouer dans la cour des grands. Après les Children of the Sun, après Idessa, voici les plus rock Clockworks, comme preuve que le rock est toujours debout. It's all about the non-stop, blah, blah, blah. It's all about the job, watch, house and car. It's all about the finding a new witch. You better scratch until it scars. All about the coveting of cloud. It's all about the stand out with the crowd. It's all about the hand ringing while swinging. Between confidence and doubt. We don't go out much anymore. We don't go out much anymore. We don't go out much anymore. sur ce, restons bons amis, hey, bon vent à tous.